L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Laura Gillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle à la Cité des Paysages et c'est une nouvelle saison qui commence avec une situation bien sûr particulière. On va découvrir tout ça avec vous. Un mot sur la Cité des Paysages, comment vous pourriez définir ce lieu ? Alors la Cité des Paysages, c'est un équipement du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'est un lieu sur la colline de Sion, on est dans l'ancien couvent, où on peut découvrir des expositions et faire plein d'animations qui sont dédiées à l'environnement et à la transition écologique. En temps normal, on est ouvert gratuitement, on propose plein de choses. À Sion, comme je vous l'ai dit, mais aussi un petit peu partout en Meurthe-et-Moselle, sur des espaces naturels qu'on protège. Alors, ce mois d'avril, normalement, c'était une nouvelle saison qui démarrait. Comment vous allez vivre ce démarrage cette année ? Il y a quand même des choses qui vont être proposées. Oui, bien sûr. On travaille avec l'équipe pour proposer, comme beaucoup de structures, des contenus numériques. Alors, on a essayé de faire en sorte que ça soit assez varié. Il va y avoir des ateliers en visio sur inscription. Un peu le même mécanisme que nos animations d'habitude, sauf que là, ça sera sur en visio. Il y aura des lives. On diffuse régulièrement des informations sur la biodiversité de notre région. On va donner des conseils en jardinage, mais aussi des idées de lecture ou de jeux de société à faire. Et puis aussi, on diffuse là depuis déjà 2 mois des portraits de l'équipe pour que le public nous connaisse un petit peu mieux. Voilà, pour avoir le plaisir après de vous voir en vrai sur les différentes animations. Parlez-nous un peu d'une animation qui va avoir lieu très très bientôt, le 17 avril. Oui, c'est ce samedi, ça va être notre premier atelier en ligne. Donc ce sera 1 heure d'expérience pour découvrir les propriétés de l'eau. Ce sera animé avec la vigie de l'eau. Se trouve à Vittel. C'est sur inscription, comme d'habitude, alors au 03 83 25 17 53 ou directement en prenant des billets sur l'événement Facebook. Donc on va donner aux participants une liste de petits matériels qu'on a facilement à la maison pour faire plein de petites expériences pour découvrir les propriétés de l'eau. Donc pour ça, il faut s'inscrire, on va directement sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook essentiellement. Oui, les actualités les plus à jour sont vraiment sur notre page Facebook. On peut aller sur l'événement et puis prendre des billets ou bien téléphoner à la Cité des Paysages et nous on prend les inscriptions. Un autre événement peut-être à annoncer déjà pour les semaines à venir ? Oui, il y aura d'autres ateliers à venir et d'autres lives. On va notamment avoir des ateliers d'écriture et de méditation en lien avec la nature. On va avoir aussi un atelier pour apprendre à décrypter les étiquettes. Alors, soit sur les produits d'alimentation ou cosmétiques, mais apprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots scientifiques qu'on trouve sur les étiquettes pour mieux choisir ce qu'on consomme. Eh bien, pour tout ça, pour connaître votre actu, on n'hésite pas à se rendre sur votre page Facebook Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle. Laura Gillot, merci. Je vous en prie, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.